comme les conspires. Puis ça devient vieux, puis ça devient nazi. Quand les impôts sont déglingués, tous les fachos sont au balcon. Ils sont mignons, les crânes rasés. Moi je dis bravo et mort au con. La peau fait pas de politique. Il se mouille pas, c'est son prénom. Il joue blaireau, c'est sa technique. Il aime bien faire son numéro. Les impôts, c'est comme les conspires. Plus ça devient vieux, plus ça devient farf. Les impôts, c'est comme les conspires. Plus ça devient vieux, plus ça devient nazi. Ni gauche ni droite, c'est sa devise. Son univers est gris-souris. Les communistes, c'est sans hantise. Ils flirtent avec l'hiver de gris. C'est juste un mec apolitique. Le genre biker est patriote. Il aime la France, la République. C'est un vrai mal, c'est pas une fiotte. Les impôts, c'est comme les conspires. Plus ça devient vieux, plus ça devient faf. Les impôts, c'est comme les conspires. Plus ça devient vieux, plus ça devient nazi. Le soir, quand tous les chats sont gris, bien à l'abri dans son bombers. Sa musique à lui et se remplit un dernier verse. Le battant du vers son héros salut nazi devant la glace. Il se défoule sur un clodo. Moi je dis une vie no veritas. Les impôts c'est comme les conspires. Plus ça devient vieux, plus ça devient fraf. Les impôts, c'est comme les conspires.